La saison de golf s'en vient à grands pas et le club de golf de Saint-Prime vous offre des tarifs imbattables pour la nouvelle année, que ce soit pour un forfait VIP ou un forfait à 10 parties. Le club de golf de Saint-Prime a une grille d'abonnement qui plaira à tous les types de golfeurs. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet golfsaintprime.qc.ca, notre page Facebook ou encore en appelant au 418-251-2831, poste 27. Quelle belle nouvelle encore une fois. L'année passée, on a trippé lorsque Shane Gauthier a été repêché. Mais là, on est également très, très content encore une fois ce matin, puisque Alexandre Gagnon, un gars que je suis depuis fort longtemps, a été repêché à 6e ronde par les Stampeders de Calgary. Savoir un peu comment il prend ça, on l'a rejoint. Salut Alex. Salut Dan. C'est le lendemain de veille. Comment tu te sens? Parce que je sais que Shane avait passé, l'année passée, j'avais vécu ça un peu en direct avec lui. C'était vraiment l'euphorie. Est-ce que c'était l'euphorie aussi du côté d'Alexandre Gagnon? Oui, j'étais rassemblé avec ma famille puis quelques amis. Puis on suivait justement le tableau qui se mettait à jour parce que les dernières rondes n'étaient plus à la télé. Puis lorsque mon nom a apparu, il y a quelqu'un qui l'a dit, Alexandre Gagnon, Calgary. On s'est tous regardé, il l'a répété. Il y a un petit moment d'hésitation, puis là, tout le monde s'est mis à crier, tout le monde s'est rire, sauté dessus. Ah, regarde, c'était vrai. Ça doit être quelque chose de vraiment incroyable, comme feeling. Ah ouais, c'était des pouces, des épaules qui débarquaient. La journée a vraiment été longue. Tout le repêchage aussi, là, j'étais assis dans mon coin, j'étais stressé, j'étais avec mon téléphone. Puis j'aurais pas été déçu de pas être sélectionné, si j'avais vraiment été fier de ce que j'avais accompli. Mais le stress, quand une fois qu'il a été levé, une fois j'ai su que j'étais sélectionné et que j'avais une chance, ça a vraiment été incroyable. Encore ce matin, c'est un petit nuage, là, je vais marcher jusqu'à l'université. Bah, regarde, c'est une belle journée. C'est le plus beau jour de sa vie, certainement. Alexandre, si on parlait un peu de comment ça s'est passé la fin de semaine, parce qu'on s'est parlé sur les médias sociaux une couple de fois. Lorsqu'on s'est parlé en entrevue à la radio la semaine passée, on disait que tu étais à 3 équipes, ça a monté à 5 équipes. À 5 équipes, fallait que tu sois à peu près, c'était quasiment certain que tu allais être repêché. Au début de la semaine, j'avais pas eu de nouvelles. Puis c'est ça, à la fin de la semaine, Montréal m'a appelé, Hamilton, Ottawa, tout dans la journée de vendredi. Vendredi soir, Calgary m'a appelé, il m'avait jamais parlé jusqu'à maintenant. Sur les trois autres équipes, j'avais déjà parlé, j'avais eu des essais avec Montréal, avec Ottawa. J'ai eu une entrevue avec Calgary vendredi soir. Okay. Samedi, Toronto m'ont appelé. Eux non plus, je les avais jamais parlé. Puis Calgary m'ont retexté samedi soir, m'ont posé 2-3 questions, m'ont dit félicitations, ils m'ont envoyé un drôle de texto. J'avais vraiment le feeling que ça allait être eux de la façon qu'ils me parlaient. Puis comme de fait, ben, c'est eux qui m'ont choisi hier soir. Justement, écoute, là, tu peux pas tomber d'une meilleure organisation que ça. Les Stampeders, année après année, c'est une équipe vraiment qui sont toujours au sommet. Là. C'est probablement la meilleure organisation dans les Canadiens actuellement depuis quelques années. Donc honnêtement, là, tu peux pas tomber d'une meilleure organisation que ça. Non, vraiment pas. Puis il y avait quelques équipes qui voulaient me faire changer de position, qui me voyaient plus comme un tight end. Ah oui, OK. Mais c'était le cas d'ailleurs de Ottawa puis Montréal. Mais Calgary, eux, c'est vraiment comme genre de ligne défensive. Hier, lorsque j'ai été repêché, c'est justement le coach de la ligne défensive qui m'a appelé. Il m'a dit qu'il avait hâte de commencer à travailler avec moi. Je suis bien excité de pouvoir travailler dans la position à laquelle je suis à l'aise. Là, Shane n'est pas ça rentré par les unités spéciales par les Canadiens de football. C'est souvent le cas des joueurs de Ligue des joueurs de Canadiens. Est-ce que tu es capable d'évoluer comme unité spéciale? Écoute, ici à Sherbrooke, les joueurs de ligne défensive, on fait pas d'unité spéciale. OK. Et c'est certain que moi, je pars avec un retrait en partant parce que c'est quelque chose que je suis pas habitué. Mais écoute, je suis très rapide, je suis athlétique, j'apprends vite. Je suis certain que je suis capable de jouer là-dessus. Puis, c'est ça, je les ai deux au téléphone, puis ça a bien dit que je me suis bien vendu. Mais c'est sûr que moi, il me reste une année d'éligibilité, fait que je m'en vais là au camp, puis je me donne à 100%, puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas grave, je vais avoir une année pour venir ici à l'université, travailler sur les unités spéciales, améliorer quelques trucs, puis retourner au camp l'année prochaine, puis faire ma place. OK. Est-ce que, justement, l'équipe d'entraînement, est-ce que ça pourrait être une option aussi? C'est sûr que lorsqu'ils te coupent, eux, ils t'offrent de revenir sur l'équipe d'entraînement ou de revenir jouer. Mais dans mon cas, c'est vraiment plus utile de revenir jouer une dernière année. de pouvoir jouer des matchs contre Montréal avant, qui ont les meilleures lignes offensives au pays. Il n'y a pas de meilleure façon pour moi de m'améliorer plus que de venir jouer une cinquième année. Et de polir, certainement, là, parce que moi, j'ai l'impression que t'es un gros projet pour eux autres, parce que 6 pieds 7, on le dit souvent, c'est ta grandeur, ton physique qui fait que les équipes ont vraiment regardé ça. Est-ce qu'on a parlé de ça aussi? C'est parce que 6 pieds 7, c'est quand même rare, là, des joueurs. Là. Le football, ça s'apprend. Tu ne peux pas apprendre à quelqu'un à avoir un gabarit. T'sais, moi, j'ai un gabarit. Le football, après ça, tout le monde peut l'apprendre. En effet, je pense que c'est un projet à long terme. Tu vois, j'ai été chanceux qu'il soit prêt à investir dans moi. Ouais, c'est clair. Hey, c'est une belle nouvelle, pareil, pour les joueurs du Haut-du-Lac. Ça fait 2 ans qui ont été sélectionnés de Tolbeau-Missisny. Quelque part, là, je regarde, il y en a là, des joueurs, je commence à les suivre pas mal. Là. Il y a un gars qui s'appelle Philippe Lavoie, qui est un très, très beau potentiel. C'est certainement que ça donne de l'espoir, le fait que toi et Chine ont été repêchés. Vous savez, dans le temps que moi et Chine, on jouait, on avait une grosse dynastie à Dolbeau. Là, il y avait le Boiteux, puis ensuite, quand moi j'ai joué, c'était les Patriotes. Moi, les 3 années que j'étais là, on a gagné un championnat de saison, on s'est rendu 2 fois en finale, on a perdu 1 fois, on l'a gagné 1 fois. Tu sais, je pense qu'on a toujours eu des bons joueurs de foot à Dolbeau, puis on a toujours eu des bons entraîneurs aussi. Donc, il y a du bon football en région, au Saint-Jacques-Saint-Jean, parce qu'on est dans le reste du Québec, une traite de farmer, de bûcheron. Mais quelque sorte, c'est ça. Tu sais, on est du monde qui est habitué de travailler fort, puis ça paraît sur le terrain de football, bien, c'est ça le plus important, c'est le cœur que tu y mets. Oui, c'est clair. Là, c'est quoi là, les plans de match? Est-ce que les Stamps vont t'approcher? Est-ce que tu te rends à Calgary bientôt? Comment ça va marcher? Là? Ben, écoute, j'attends. Je devrais avoir les informations aujourd'hui. Je sais que leur camp d'entraînement commence dans 2 semaines. Ouais. Fait que j'imagine que je vais devoir arriver là quelques jours à l'avance avec le décalage horaire, m'installer et tout ça. Ça va être vraiment dans les prochains jours là, de la grosse logistique pour préparer tout ça. Ah, effectivement. Ben, Alexandre, félicitations. Tout comme Shane, on va te suivre de très, très près parce que c'est quand même le fun. Est-ce que les Stamps t'ont entrevoir de l'espoir de faire l'équipe déjà? Est-ce qu'on t'a dit ça? Non? OK. C'est vraiment... J'ai ma place et mon invitation pour le camp d'entraînement. Puis okay. Faut que je fasse ma place. Qu'est-ce qu'on t'a dit en terminant lorsqu'on t'a appelé? C'était le coach de la ligne défensive. Il m'a parlé de mes forces, il m'a parlé de mes faiblesses. Il m'a dit qu'il avait hâte de travailler sur ça. Puis il a terminé en me disant bienvenue à la famille des Stampeders. Ah ouais, c'est vraiment une bonne organisation. Alexandre, on se parle dès que tu seras arrivé à Calgary. Ah, merci beaucoup. Alexandre Gagnon de Dolbeau, c'est le choix de 6e ronde des Stampeders de Calgary.